t'aime même pas. Faut baguette, dis-moi ce que je peux. Un jour tu m'aimes, un jour tu m'aimes pas. Toujours à dire que je suis un salaud. Je vais voir ailleurs pour voir si t'es là. Toujours à dire que je suis un salaud. Toujours je le baisse seulement qu'une fois. C'est vrai, je te trompe avec la bite. Mon cœur lui n'a Dieu que pour toi. Je te demande ta main pour que je gicle. Mais bientôt sera pour Bagodo. Laisse-moi le temps d'être ce que je ne suis pas. Pour devenir ce que tu veux que je sois. Ma tête tourne comme des lox quand je vois ton bol. Je te laisse même fumer sur ma clope, je crois que c'est ça la mort. Et toi tous dire que je suis un salaud. Je vais voir ailleurs pour voir si t'es là. Toujours à dire que je suis un salaud. Je te jure je l'ai baisé seulement qu'une fois. Oh baby dis-moi ce que je fais. Un jour tu m'aimes, un jour tu ne m'aimes pas. Oh baby dis-moi ce que je fais. Un jour tu m'aimes, un jour tu ne m'aimes pas. Toujours à dire que je suis un salaud. Je vais voir ailleurs pour voir si t'es là. Toujours à dire que je suis un salaud. Je te jure je l'ai baisé seulement qu'une fois. Sur le fond de la sueur, vie sur le cœur. Violente et ma douceur n'est pas super. Par quatre chemins, je n'irai pas, je te dis je t'aime. Par quatre lèvres, bouchées de chat, je viens pour te ken. J'suis dans une suite de Marriott, explorant des trompes de palop. Laisse tomber tes allocs, viens me rejoindre dans plage et paillotte. Femme nue dans mon bigot, c'est pas glamour. J'te laisserai même venir au studio, c'est ça l'amour. Et toi t'es là dire que j'suis un salaud. Je vais voir ailleurs pour voir si t'es là. Toujours à dire que je suis un salaud. Je te jure je l'ai baisé seulement qu'une fois. Oh baby dis-moi ce que je fais. Un jour tu m'aimes, un jour tu ne m'aimes pas. Oh baby dis-moi ce que je fais. Un jour tu m'aimes, un jour tu ne m'aimes pas. Toujours à dire que je suis un salaud. Je vais voir ailleurs pour voir si t'es là. Toujours à dire que je suis un salaud. Je te jure, je l'ai baisé seulement qu'une fois. Oh.